En bas de l'immeuble, tous ces gens en lendemain, un autre dimanche, sans voir la fin. Certains font du sport, d'autres devant un écran. Plusieurs se rassemblent, mais beaucoup attendent le jour d'après. On est tous beaux, mais à l'intérieur on a mal. Comme tout ce qui est beau, il y a toujours une faille. Un appel au secours qui devient trop banal. Une grande cause, il n'y a plus de grande cause. Une grande cause, c'est la survie. Une grande cause, il n'y a plus de grande cause. Une grande cause, c'est la survie. Les sourires ne se voient plus sur des visages pâles. Pour qu'elle arrive, s'il n'y a rien à gagner. Cette joie qui ternit, les voix qui sont sourdies. Il y aura bien une raison pour me traiter de con. Il y aura bien un pardon à toute cette déraison. Mais il n'y a pas de faiblesse, mais il n'y a pas de détresse qui pourrait rassurer le mal que Dieu fait. Une grande cause, c'est la survie.